إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله تعالى وبعونه سبحانه l'explication en langue française et la traduction du livre أحكام مناسك الحج والعمرة للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية Rahmatullah alayh, rahmatan wasi'a. On s'est arrêté à la parole du shir. وَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ أَنْ يَتَطَيَّبَ فِي بَدَنِهِ فَوَ حَسَنُ وَلَا يُؤْمَرُ الْمُحْرِمُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمْ فَعَلَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ النَّاسَ وَلَمْ يَكُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُ أَحَدًا بِعِبَارَةٍ بِعَيْنِهَا وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة هو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. Le shir nous dit وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. C'est-à-dire que la personne, si elle veut, et bien entendu cela c'est avant l'ihram. Lorsqu'il dit وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدني فهو حسن. On comprend bien que c'est avant l'ihram, parce que une fois qu'il est rentré dans l'ihram, de par donc sa niya et de par un acte ou une parole, et le shir va revenir encore sur cela ensuite, et qu'il est devenu muhrim à ce moment-là, alors il n'a plus le droit de mettre du parfum. Mais avant cela, avant qu'il se mette donc en état d'ihram, bimarna, qu'il devient muhrim, qu'il devient donc en état de sacralisation, alors il peut se mettre du parfum. Comme cela est thabit fi la sunna, fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahih al-Bukhari wa sahih muslim, yaqouli Aisha radiallahu ta'ala anha, kuntu utayyibu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ihramihi hina yuhrim, wa li hillihi qablan yatufa bil bayt. C'est-à-dire, Aisha nous dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, et par l'imam muslim, qu'elle parfumait le prophète, qu'elle parfumait l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de son ihram. C'est-à-dire donc, avant qu'il devienne en état de sacralisation. وَلِحِلِّهِ et de même lorsqu'il n'était pas en état de sacralisation, قَبْلَ نِيَطُوفَ بِالْبَيْتِ une fois donc qu'il s'était sacralisé, après avoir donc jeté les pierres, yani rami Al-Jamarat, et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait halaqa wa nahara ou nahara wa halaqa, c'est-à-dire donc qu'il a égorgé le sacrifice, qu'il a rasé ses cheveux, et donc qu'il revient donc en état de désacralisation, que tout lui est permis sauf bien entendu les femmes, avant qu'il ait fait le tawaf, alors à ce moment-là, Aïcha, elle lui passait également du parfum, et c'est permis à ce moment-là. Une fois donc qu'on a fait Rami Al-Jamarat, il est également permis donc de se parfumer. Et donc à ces deux moments, Aïcha a parfumé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont bien expliqué les savants, c'est-à-dire donc que ce parfum il ne doit pas toucher le vêtement de l'ihram, c'est-à-dire donc les deux pièces de tissu avec lesquelles on va s'habiller. Il ne faut pas donc que le parfum touche. Pourquoi ? Parce qu'ensuite ce parfum va rester sur le vêtement. Et donc à ce moment-là, il doit le laver. On l'avait déjà expliqué la dernière fois, on avait rappelé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, personne qui avait mis donc du parfum également, il s'était habillé d'un jubba, c'est-à-dire une sorte de manteau. On y reviendra également sur ce hadith plus loin. À la kulli hal, donc, la personne, elle a le droit de se parfumer, fawa hasan, c'est-à-dire que c'est une chose de bien d'être parfumé. C'est une chose qui est hasan, comme le dit le shir, rahimallahu ta'ala. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas obligé les gens de faire cela. Il n'a pas obligé les gens de faire cela. Ensuite, il dit: وَلَمْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَحَدًا بِعِبَارَةٍ بِعَيْنِهَا. Il va revenir à ce qu'on avait dit auparavant, si on se rappelle bien, donc, le cours dernier, lorsqu'on avait parlé des différentes expressions qui sont dites par certaines personnes et qui, en réalité, expriment leur intention à haute voix. Et on avait dit que cela n'était pas présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir, donc, il avait expliqué cela auparavant. Et lorsqu'il revient donc par cette parole, il veut dire tout simplement les expressions qu'il a citées auparavant, comme le fait de dire « j'ai l'intention de faire le hajj », etc. Tout ce qu'on avait cité auparavant. Donc il revient à cela. Le shir donc nous rappelle ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais obligé une personne à dire une telle expression. وَإِنَّمَا يُقَالُوا أَهَلَّ بِالْحَجْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. C'est-à-dire donc, on va dire ces expressions qui nous rapportent le fait que la personne commence et débute son hajj. أَوْ يُقَالْ لَبَّ بِالْحَجْ لَبَّ بِالْعُمْرَةِ. C'est-à-dire donc, il va répondre à l'appel à Allah Azza wa Jalla à travers l'accomplissement de ce hajj ou à l'ordre de sa umrah. Ça, c'est ce qui est thabit. Ça, c'est ce qui est donc authentique. وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى. Donc, cela, c'est l'explication en réalité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 197. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Ici, le chien ensuite, il va nous expliquer ce qui est voulu par ces termes employés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité ici, c'est l'explication que l'on retrouve. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث. Et il nous dit le shir, rahmatullah alayh, وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. C'est-à-dire ici donc, il va rappeler dans ce hadith qu'on a déjà cité lorsqu'on avait dans les premiers cours rappelé les bienfaits du pèlerinage et les hadiths qui motivaient la personne à faire son pèlerinage. Et parmi ces hadiths, celui-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim dans son authentique, من حج هذا البيت, celui donc qui va faire le pèlerinage dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth wa lam yafsuq. Donc on retrouve ces deux verbes qui sont présents ou dont le terme est présent dans le verset, dans cette parole, fala rafatha wa la fusuqa. Rafath qui est bien sûr ici le masdar, ou le fusuq de même qui est le masdar, et le verbe est ici falam yarfuth wa lam yafsuq. Ici, kharaja min dhunubi ka yawmi waladatu ummu. Donc celui qui ne fait pas ces actes-là, on va revenir ensuite sur l'explication. Alors, kharaja min dhunubi, il sort donc de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Subhanallah. Il redevient donc de même. La page redevient blanche et tous ses péchés sont pardonnés. Wa hadha ala qira'ati min qara fala rafatha wala fusuqa birraf. Fala rafathu wala fusuqu birraf. Ici, simplement, le shir va nous rappeler, et on sait que dans le Coran, il y a différentes lectures. Il y a différentes lectures par rapport au Coran. Et bien entendu, ici, sans rentrer dans les détails, les savants, ils ont rappelé ces lectures. Ils ont rappelé également l'authenticité de ces lectures. Et donc, parmi ces lectures, et on ne va pas également rentrer dans ici ce que va impliquer la règle grammaticale, le fait qu'on récite avec Arraf, ou qu'on récite avec un nasb, on a récité ici avec le nasb, c'est-à-dire fala, fala rafatha wala fusuqa. Et dans certaines récitations, fala rafathu wala fusuq. Et par rapport à cela, donc, le shir, il va nous dire qu'il y a une incidence au niveau de la compréhension du verset. C'est ce qu'il va citer ensuite. Il revient sur l'explication donc à Rafath. Il dit Farrafath ismun lil jima', qawlan wa 'amalan, c'est-à-dire c'est tout ce qui est en relation avec la relation sexuelle. Qawlan wa 'amalan, c'est-à-dire donc que ce soit par les paroles, c'est-à-dire donc s'il rentre dans les préliminaires, etc. Wa 'amalan, et que ce soit donc de par les actes également, que ce soit dans les préliminaires ou alors l'acte même. Wa al-fusuq, amma al-fusuq, c'est pour ça donc que dans la traduction du sens, ils disent à leur point de rapport sexuel, en traduisant là à Rafatha. Et ensuite, wa al-fusuq, donc al-fusuq, ismun lil-ma'asi kulliha. Donc al-fusuq, c'est un nom qui va relater tous les péchés, l'ensemble des péchés. Ça, c'est ma'na al-fusuq, qu'on peut traduire donc par la perversité, qu'on traduit par la perversité. Mais en réalité, c'est un nom qui est donné à tous les péchés. Ismun lil-ma'asi kulliha, comme nous dit le shirk. والجدال على هذه القراءة والمراء في أمر الحج فإن الله قد أوضح وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في الأحكام وعلى القراءة الأخرى قد يفسروا بهذا المعنى أيضا وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا والتفسير الأول أصح. Donc ici, pour également ce qui est du al-jidal, pour ce qui est de al-jidal, comme on retrouve wala jidala fil hajj, ou pour ce qui est de ce terme qu'on retrouve dans le verset wala jidala fil hajj, al-jidal, on sait que c'est al-mira, c'est le fait de polémiquer. On pourrait traduire par la polémique, ou le fait également de discuter. Également le fait de discuter. Pourquoi? Parce que al-jidal, ce terme al-jidal, il peut avoir donc un sens qui est contraire à la religion, ou alors un sens qui est conforme à la religion, comme dans ce verset du Coran, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي أَحْسَنَ. Allah Azza wa Jal, pour ce qui est des gens du livre, il nous ordonne, subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'on discute avec eux, de discuter de la meilleure des façons, c'est-à-dire donc d'argumenter, etc., et de prouver la véracité de notre religion. Et le terme qui est employé dans le verset, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي أَحْسَنَ, ça c'est fi surat an-Nahl, qui est le verset 125. وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي أَحْسَنَ. Donc on voit bien que le terme il est employé. Donc ce terme il peut avoir un sens positif dans la religion, ou alors un sens négatif, comme c'est le cas ici lorsqu'il nous dit وَالْجِدَالَ عَلَى هَذِي الْقِرَى وَالْمِرَاءُ فِي أَمْرِ الْحَجِ. Donc ici deux possibilités de comprendre al-jidal plus précisément dans le verset. Soit on va le comprendre qu'il n'est pas permis de parler sur les règles du hajj comme le faisaient les gens de la jahiliya, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et à travers la sunna de son prophète, il a mis en évidence, il a éclairci pour tout le monde les règles du hajj, donc il n'y a plus à discuter ou à polémiquer sur les règles du hajj, elles sont claires et on doit les prendre telles qu'elles sont, les appliquer telles qu'elles sont. Ça c'est ma'na ici, c'est-à-dire al-jidal ou al-mira fi amr al-hajj. Donc on n'a pas le droit de polémiquer sur ce qui est du hajj en lui-même, c'est-à-dire donc sur les règles du hajj, comme le faisaient les gens de la jahiliya, les gens de l'ignorance. Wa ala al-qira'ati al-ukhra qad yufassar bi hadha al-ma'na ayda, c'est-à-dire qu'on le lise bil marfou' ou qu'on le lise bil mansoub. On peut le comprendre également de cette façon-là. Wa qad fassaruha bi an la yumari al-hajj ahadan. Et un deuxième donc tafsir qui a été donné pour ce verset, et plus précisément ici al-jidal, c'est-à-dire que al-hajj, le pèlerin, il n'a pas le droit donc de discuter ou de polémiquer avec autrui. Mais lorsqu'on dit bien entendu la yumari al-hajj ahadan, on aurait pu dire également la yujadil al-hajj ahadan, c'est-à-dire on aurait pu employer le terme jidal comme on aurait pu employer le terme al-mira. Taïb, le shir, il aurait pu dire al-jidal comme il aurait pu dire donc al-mira, vu que c'est ici donc des synonymes. Et il nous dit wa tafsir al-awwal asah, c'est-à-dire que le premier tafsir, celui qui nous indique qu'il n'est pas permis de parler sur les règles du hajj comme le faisaient les gens de la jahiliya. Donc ça, ce tafsir là pour le shir, c'est celui qui est à prendre en considération avant toute chose. Et pourquoi cela? Parce que par rapport à la deuxième explication qui est le fait de dire qu'on n'a pas le droit de polémiquer ou alors de rentrer dans un jidal avec autrui, il nous dit le shir, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَى الْمُحْرِمْ وَلَا غَيْرَهُ عَنِ الْجِدَالِ مُطْلَقًا بَلَا الْجِدَالُ قَدْ يَكُنْ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. Le cheikh nous dit, pour ce qui est de l'jidal, le jidal, Allah Azza wa Jal ne l'a pas interdit de manière absolue, mutlaqan. Il nous dit, bel, c'est-à-dire, bien au contraire, l'jidal, il peut devenir, à certains moments, wajib, ou alors, c'est-à-dire obligatoire, ou billati hiya ahsan. C'est-à-dire que la personne, elle peut voir une personne qui est dans l'erreur, un pèlerin qui est dans l'erreur, et donc à ce moment-là, elle va commencer à discuter avec lui, elle va commencer à argumenter avec lui et mettre en évidence la vérité. À ce moment-là, on peut dire qu'il est entré dans le jidal, comme dans le verset وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي أَحْسَنَ. Et dans ce cas-là, ça peut être obligatoire pour lui. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Obliger le bien et interdire le mal. Si par exemple la personne c'est un talib al-ilm et qu'elle voit donc une personne dans l'ignorance et qu'elle est en train de faire donc un acte qui n'est pas conforme à la législation, alors il doit mettre en évidence cela à la personne et il doit l'expliquer. Même si la personne donc, dans un premier temps, réfutait ou refusait, la personne, suivant bien entendu à l'istitara et sans tomber dans ce qui va être ensuite négatif, elle explique et elle met en évidence. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela. Ça peut être même obligatoire ou alors dans certains cas, mustahab. Et il nous dit, وَقَدْ يَكُنَ الْجِدَلْ مُحَرَّمًا فِي الْحَجِ. C'est-à-dire que, par contre, Al-Jidal, il peut devenir interdit, que ce soit dans le Hajj, également en dehors du Hajj. À titre d'exemple, Al-Jidal, c'est-à-dire une personne qui polémique, qui discute sur des points de religion alors qu'il n'a aucune science. Ça, c'est strictement interdit, de parler sur la religion alors qu'on n'a aucune science. Ça, c'est un Jidal qui est strictement interdit, que ce soit dans le Hajj ou alors que ce soit à tout moment, comme on peut voir malheureusement, comme beaucoup de gens qui sont ignorants sur les bases de la religion, sur la croyance, et qui rentrent dans les Jidal, qui rentre dans le jidal, qui rentre dans la polémique, alors qu'ils n'ont aucune science. Ça, c'est strictement interdit. Muharram wa wa'asi fa'ilu wa yalzamu wa tawba. Et donc, il doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Wa kal jidal fi al-haqq ba'd ma tabayyan. C'est-à-dire également, lorsqu'on met en évidence à une personne la vérité, qu'on a argumenté, qu'on a apporté toutes les preuves, et que la personne s'obstine à rester dans son aveuglement, s'obstine à rester dans le faux, alors à ce moment-là, on doit arrêter. On doit arrêter, on ne doit pas continuer, car ça ne sert à rien. On va rentrer donc dans une discussion qui n'apportera aucun fruit, ou une polémique qui sera complètement stérile. Ayadan billah. Ensuite, il nous dit le shir, وَلَفْظُ الْفُسُوقِ يَتَنَاوَلُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَخْتَسُ بِالسِّبَابِ وَإِنْ كَانَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقًا فَالْفُسُوقُ يَعُمُّ هَذَا وَغَيْرَهُ. Ensuite, pour ce qui est de la parole al-fusuq, il nous expliquait al-rafaf. Il nous expliquait également Al-Fusuq, Ismul Ma'asi, il revient sur le terme Al-Fusuq, qu'on traduit par la perversité, donc il nous dit que cela comprend tout ce qu'Allah Azza wa Jalla il a interdit, et que ce n'est pas spécial à l'insulte ou l'injure. C'est-à-dire que ce terme ne veut pas dire uniquement l'insulte et l'injure. Il a une portée qui est plus générale quant à son sens. Il veut dire donc tout ce qu'Allah Azza wa Jalla il a interdit, donc tout ce qui rentre dans Al-Ma'asi, comme il l'a précisé auparavant le Shir, Rahmatullah Ali. وَإِنْ كَانَ سِبَابُ الْمُسْلِمْ فُسُوقًا. Même si l'insulte et l'injure rentrent dans ce qui est du fusuq, c'est-à-dire l'insulte et l'injure du musulman. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولفظه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. C'est-à-dire l'injure, l'insulte du musulman est une perversité et son meurtre est une mécréance. Ensuite, il revient au terme al-rafath. Wal-rafath wal-jima'. Walaysa fil mahdhurat ma yafsidu al-hajj aw ma yufsidu al-hajj illa jins al-rafath. Falihadha mayyaza baynahu wa bayna al-fusuq. Wa amma sa'ir al-mahdhurat kal-libas wat-tib fa innahu in kana ya'thamu biha fala tufsidu al-hajj 'inda ahadin min al-a'immati al-mashhurin. Tayyib. Pour ce qui est de al-rafath, al-rafath, c'est donc ici l'acte sexuel, tout ce que comprend cet acte-là, préliminaire, etc. Il va nous dire ici le shir, qui est interdit lorsqu'on est en état d'ihram, qui va annuler le hajj, si ce n'est al-jima', si ce n'est donc l'acte, le rapport sexuel. Rien ne va annuler parmi mahdhurat al-ihram. Ça, c'est une règle donc ici, que parmi les choses qui sont interdites durant notre état d'ihram, il n'y a rien qui va annuler le hajj si on les fait, sauf une seule chose qui est donc le rapport sexuel et qui est ici ar-rafath, comme a dit Allah Azza wa Jal, fala rafatha, fala rafatha, et comme a dit le Nabi sallam, falam yarfuth, falam yarfuth. Ar-rafath, qui est donc ici al-jima', c'est la seule chose qui annule le hajj parmi ce qu'on appelle mahdhurat al-ihram, ce qui est interdit durant l'état de sacralisation, rien ne va annuler le hajj si ce n'est al-jima'. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Mundhir rahmatullah alayh fi kitabi al-ijma', Kitab al-ijma', c'est un livre qui est très important pour le talib al-ilm, c'est un petit livre où Ibn al-Mundhir rahmatullah alayh, de son temps, il a rappelé tout ce qui a été le résultat du consensus des savants en ce qui concerne la jurisprudence. C'est pour ça que si on regarde ce livre qui s'appelle lui-même Al-Ijma', c'est-à-dire le consensus, on voit que l'imam Ibn al-Mundhir rahmatullah alayh, il a donc écrit suivant les chapitres de la jurisprudence. Donc dans ce livre, et donc fi bab al-hajj, en ce qui concerne le hajj, il va nous dire ajma'a ahlul ilm, c'est-à-dire les gens de science, ils sont unanimement d'accord, donc ici un consensus, ala anna al-hajj la yafsud bi ityan shay'in fi hal al-ihram illa al-jima' wa al-umrati kal-hajj, c'est-à-dire que rien, et ça c'est ijma' al-ulama, que rien ne va annuler le hajj parmi mahdhurat al-ihram si ce n'est donc, c'est pour ça qu'il dit bi ityan shay'in fi hal al-ihram, donc le fait de faire une chose qui est bien entendu interdite durant notre état de sacralisation, donc rien ne va annuler le hajj si ce n'est al-jima', si ce n'est donc le rapport sexuel. Il nous dit le shirk, ou amma sa'irul mahdhurat kal-libas wa at-tib, par contre tout ce qui rentre dans les autres choses, donc tout ce qui est en dehors de l'acte sexuel et qui est par exemple le fait de s'habiller, bien entendu de porter des habits qui sont interdits, ou alors le fait de se parfumer, il nous dit le shirk, si la personne elle fait ça, alors ça n'annule pas son hajj, mais bien entendu ya'atham ou in kana ya'atham, c'est-à-dire qu'il va être bien entendu dans le péché, il va être dans le péché, et donc yalzamu tawba, c'est-à-dire se repentir, également le fidya. Ensuite le shir il dit وَيَنْبَغِ لِلْمُحْرِمِ أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِمَا يَعْنِيهِ وَكَانَ شُرَيْحِ إِذَا أَحْرَمَ كَأَنَّهُ الْحَيَّةُ صَمَّ. Il nous dit donc le shir, et ça fait partie donc de ce que il incombe à celui qui est en état de ihram, de sacralisation, c'est qu'il ne doit pas parler sauf sur les choses qui le concernent. Il va nous rappeler un exemple d'un des grands tabi'in de l'islam, parmi les tabi'in, Shurayh, le qadi Shurayh, le grand juge Shurayh, Shurayh ibn al-Harith ibn Qais, al-Qadi, rahimahullah ta'ala, c'était le qadi de la ville de Kufa durant une période de 60 années. C'était Ali, radiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib, qui l'avait donc placé comme qadi au Kufa, et où il est resté qadi durant 60 ans. Et il faisait partie des grands savants et des grands muhaddithines parmi les tabi'in. Et même Ali, il a dit à son sujet wa aqda al-arab, c'est-à-dire il est le meilleur des juges parmi les arabes, celui qui a le plus de science pour ce qui est de al-qada. Il a vécu 120 ans, rahimallah. Il est mort en l'an 78. Et il nous dit shir wa kana shurayh idha ahrama, lorsque shurayh il se mettait en état d'ihram, c'était comme un serpent. Bien entendu, le hayatu samma, le serpent qu'on n'entend pas, le serpent qui fait aucun bruit. Il était de même Shurayh, c'est-à-dire que rien ne sortait de sa bouche. Il ne parlait pas. Il en restait uniquement donc à ses invocations et tout ce qui lui était obligatoire ou alors surérogatoire durant le pèlerinage, à dire comme parole, uniquement. Subhanallah. Donc ici simplement un exemple du shirk qui nous rappelle comment al-muhrim il doit être, c'est-à-dire donc se taire, et s'il a à parler, parler uniquement en bien, que ce soit al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, que ce soit des du'as, etc., uniquement, ou alors ce qui le concerne personnellement. Pour le reste il se tait, et c'est le mieux pour lui, pour que donc son hajj il soit effectué de la meilleure des manières, bi taqwa, avec piété. ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لابد من قوله أو عمل يسير به محرما هذا هو الصحيح من القولين. C'est-à-dire ici le shir, on en a déjà parlé de cela, donc le shir il insiste, il revient dessus, c'est-à-dire que la personne, elle devient muhrim uniquement de par donc son intention et de par un acte qui va advenir de lui ou alors une parole qui va advenir de lui. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il ne devient pas muhriman uniquement de la niya qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire d'accomplir le hajj, comme on l'a vu, cette niya-là, ce qasd, c'est-à-dire l'intention qu'il a de faire le pèlerinage, il l'a depuis qu'il est parti de son pays, depuis qu'il est sorti de sa maison. Tayyib, par contre ici, c'est une niya, c'est-à-dire une intention de rentrer dans le hajj, c'est-à-dire de rentrer dans l'ihram ici, et ensuite, yana aqid al-ihram bi fi'al. Aobi Kaulin, c'est-à-dire donc à ce moment-là, son ihram va devenir ou va être compté à partir donc de cette parole ou alors de cet acte qu'il va faire, accompagné donc de sa niya. Wassahihu min al-Kaulin. Ici donc, Yushir Shir, c'est-à-dire il nous indique qu'il y a une divergence. Et ça, c'est la parole donc qui est retenue ici. C'est-à-dire qu'il lui faut donc cette niya de rentrer dans l'ihram et ensuite une parole ou un acte. C'est pour ça qu'il dit. La Bouddha min qawlin aw amalin yasiru bihi muhriman. Ensuite il dit rahmatullah alayhi wa tajarrud min al-libas wajib fi al-ihram wa laysa shartan fihi fa law ahrama alayhi thiyab sahha dhalika bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa bi ittifaq a'immati ahli al-'ilm wa alayhi an yanzi'a al-libas al-mahdhur. Donc il nous dit également ici un point qui est important dans la jurisprudence, que le fait d'enlever tajarrud, c'est-à-dire se dénuder et se déshabiller, bien entendu des habits qui sont interdits, comme par exemple le pantalon et tout ce qui est tout ce qui est mufassal à la qadr al-arba, arba al-jism, comme on l'a expliqué auparavant. Donc ici, le fait de se déshabiller de cela, wajibun fil ihram, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est une obligation pour ce qui est de l'ihram, donc de se défaire de tout ce qui est interdit comme habits, qui nous sont interdits de se vêtir avec durant notre état de ihram, comme on l'a expliqué donc auparavant. Walaysa shartan fihi. Donc wa wajib walakin laysa bi shart. C'est-à-dire si la personne maintenant, elle n'a pas enlevé ses habits, par exemple elle n'a pas enlevé sa qamis, ou alors elle n'a pas enlevé son pantalon, etc. Elle est restée comme telle, et qu'elle a fait donc la niya de l'ihram, et qu'elle a fait une parole ou un acte qui va, de par cela, le mettre en état de sacralisation, qu'il lui reste encore ses vêtements, alors il passe en état de sacralisation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une condition ici. Donc il reste en état de sacralisation. Si ça aurait été une condition, alors on aurait dit qu'il ne serait pas en état de sacralisation. Il serait toujours en état de désacralisation. Mais vu que ce n'est pas une condition, comme le rappelle le shir ici, et que c'est une obligation, alors s'il fait et s'il garde donc ses habits qui lui sont interdits de porter au moment où il passe en ihram, son ihram, il est compté comme tel. C'est-à-dire qu'il est en état de sacralisation. C'est pour ça qu'il dit falaw ahrama wa alayhi thiyabun sahha dhalika bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. C'est-à-dire que cela reste authentique. Il est en état de sacralisation. Il est considéré comme cela. Et de par la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam, également le consensus des imams de science. Et ici le shir il fait allusion à un hadith lorsqu'il dit sahha dhalika bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, il fait allusion à un hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayhi min hadith Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala an, qu'une personne est venue au prophète sallallahu alayhi wasallam, anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa bil ju'arrana qad ahalla bil umra, c'est-à-dire donc il a commencé et il est rentré fi manasik al-umra, dans les rites donc de la umra, et cette personne elle avait l'ahya qui était musaffir, de même, c'est-à-dire donc ajouni, et de même pour ce qui est de ses cheveux. Wa alayhi jubba, wa hadha wa shahid, wa alayhi jubba, c'est-à-dire jubba c'est une sorte de manteau qu'il portait auparavant. Il était vêtu de ce manteau, ce qu'on appelle donc le jubba. Lorsqu'il a vu lui le prophète sallam, il lui a dit ya rasulullah inni ahramtu bi umra, c'est-à-dire donc je me suis mis en état de sacralisation pour effectuer donc ma umra. Wa ana kama tara, et je suis comme tu me vois. Qu'est-ce qu'il lui a dit donc le prophète sallam lorsqu'il a vu donc avec la jubba, lorsqu'il a vu qu'il avait ses cheveux, sa barbe jaunie, yaqul anzi'an wa ma kunta sani'an fi hajjik fasna'u fi umratik, c'est-à-dire donc enlève le manteau que tu portes et lave-toi ou rince-toi de ce jaune-là. وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ. Est-ce que tu faisais durant donc ton hajj? Alors fais-le de même. فَاسْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ. Fais de même donc durant ta umra. Ici, الشاهد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit donc qu'il fallait qu'il recommence son état d'ihram, se remettre donc en état d'ihram, et donc à partir de là de repartir depuis les miqat, etc., tout ce qui va impliquer le fait de se remettre en état d'ihram. Il lui a simplement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enlève de toi le manteau. Simplement, هذا والشاهد, il lui a dit d'enlever le manteau, rien d'autre. Et donc la personne, elle enlève ce manteau-là, taïb, ou alors les habits qu'elle a mis, et elle reste en état de sacralisation. C'est-à-dire que si la personne, elle est ignorante, la personne est ignorante, ou elle porte une chose qu'elle ne savait pas qu'il ne faut pas qu'elle porte, et qu'à ce moment-là, une personne de science, une bih, c'est-à-dire donc, il lui fait la remarque que c'est interdit ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il a à faire uniquement? Il a enlevé ce qui lui est interdit, uniquement. Il a enlevé ce qui lui est interdit. Et son état de sacralisation, il reste comme tel. C'est ce qu'a voulu dire le shir. Donc, à travers cette preuve-là, le hadith qu'on a cité, ce qu'il a voulu dire donc dans cette parole, صَحَّ ذَلِكَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et bien entendu, il faut qu'il enlève cela. Par contre, s'il n'enlève pas, il continue. Beaucoup de savants disent que s'il continue donc, après qu'il ait su, et s'il n'enlève pas, alors عَلَيْهِ الْفِدْيَا. C'est-à-dire donc qu'il devra égorger ensuite Aïdam, Fidya, il devra donc égorger ensuite un mouton pour cette interdiction qu'il a fait durant son état de Ihram. De même, si la personne, elle sait, et qu'elle se met en état d'Ihram, elle sait que c'est interdit de porter un solwal ou autre, et qu'elle continue donc dans cet état-là, de même ici, son état de sacralisation, il reste tel quel, mais il est en état de péché parce qu'il a fait une interdiction alors qu'il savait que c'était interdit. Et en plus, il doit donc al-fidya, c'est-à-dire il devra donc égorger un mouton. Ensuite, le shir yaqul fasl, c'est-à-dire donc un nouveau chapitre. Yaqul, rahimallah, yustahab an yuhrima aqib as-salatin, imma fardin wa imma tatawu'in, in kana waqta tatawu' fi ahad al-qawlain, wa fi al-akhar in kana yusalli fardan ahrama aqiba. Donc ici une question que lorsque la personne elle se met en état d'ihram et qu'elle est donc au miqat, qu'elle est donc à l'endroit où elle doit se mettre en état d'ihram, il lui est surrogatoire de prier après qu'il s'est mis en état d'ihram. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, une fois qu'il s'est mis en état d'ihram, il a prié donc Adhur wal Asar taqsiran, parce qu'il était voyageur, le prophète sallam, Adhu al-Hulayfa, qui est bien entendu le miqat de Ahlil Medina, comme on l'a expliqué auparavant. Et donc la personne, n'am, yustahab an yahrima aqib as-salah, c'est-à-dire donc qu'il est préférable qu'il fasse son ihram après, n'am, après la prière. Yustahab an yahrim ou an yuhrima aqib as-salah, c'est-à-dire qu'il est préférable pour la personne de se mettre en état d'ihram après une prière, aqib as-salah, tayyib, juste après donc une prière. Lorsqu'on dit aqib as-salah, c'est juste après la prière. Imma fardin wa imma tatawu'in, c'est-à-dire qu'il prie une prière qui soit obligatoire ou alors une prière qui soit surérogatoire. Une fois qu'il a prié cette prière qui est obligatoire et qui est surérogatoire, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié adh-dhuhr qasran, c'est-à-dire donc en état de voyageur, c'est-à-dire qu'il a prié uniquement de rak'a pour ce qui est de la prière de adh-dhuhr, et ensuite labba bil hajj, et ensuite donc il est rentré en état d'ihram wa labba bil hajj. Tayyib, hadha wa thabit an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son pèlerinage, lorsqu'il était donc à Dhul Hulayfa, qui est le miqat ahl al-Medina, des gens de Médine. Donc c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc yustahab wa hadha min as-sunnah de faire son ihram directement après qu'on ait prié une prière, que cette prière donc elle soit obligatoire, c'est-à-dire qu'on arrive au miqat et qu'ensuite il rentre le temps du dhuhr, ou alors il rentre le temps du asar, ou alors il rentre le temps du maghrib, du isha, etc. Alors la personne yustahab, c'est-à-dire il est préférable pour elle qu'elle prie donc d'abord son obligation donc le dhuhur, l'asr, etc. et qu'ensuite elle se met en état d'ihram. Ou alors tatawwa, c'est-à-dire qu'elle prie une prière qui va être dite tatawwa, c'est-à-dire surérogatoire. Donc elle prie cette prière surérogatoire et ensuite elle se met en état d'ihram. Par contre, le shir nous dit wa illa falaysa lil ihram salatun takhussu wa hadha arjah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'ihram une prière qui va être spéciale pour l'ihram, c'est-à-dire donc une prière qu'on va faire qui est spécialement pour l'ihram. Wa hadha wa arjah, c'est-à-dire c'est la parole la plus forte, c'est-à-dire qu'on ne peut donc affirmer et attester qu'il y a une prière qui va spécialement pour l'ihram. Mais vu qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié ou il s'est mis en état d'ihram directement après avoir prié le dhuhr qasran, alors il est bien de faire de même, c'est-à-dire donc de prier une prière obligatoire, ensuite de faire son ihram. Par contre, si la personne elle doit se mettre en état d'ihram et c'est durant un temps où il est interdit de prier, comme par exemple après la salat du subh ou après la salat de l'asr ou waqt al-istiwa, etc., alors elle ne prie pas, alors elle n'a pas prié parce qu'il n'y a pas une prière qui est spéciale pour l'ihram, donc elle ne prie pas à ce moment-là et elle part directement. Donc elle n'a pas à prier ensuite se mettre en ihram, elle part, elle fait son ihram, elle part directement. Tayyib, donc c'est plus que clair. La personne, yustahab lahu, c'est-à-dire il est préférable pour lui que si il est au moment d'une prière qui est obligatoire de prier et ensuite se mettre en état d'ihram. Ou alors, s'il a prié une prière qui est surrogatoire, c'est-à-dire la prière que l'on fait après le dhuhr ou etc., parmi les rawatib, etc., alors il l'a pris et ensuite il se met en état d'ihram. Mais il n'y a pas une prière qui est spéciale à l'ihram. Adawa al-khulasa. Par contre, cette parole-là qu'on vient de dire, c'est bi'umum al-mawaqit, pour tout ce qui concerne donc al-mawaqit, donc les lieux où on va se mettre en état d'ihram. Par contre, on sait, comme cela est attesté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est de Dhul Hulayfa, on sait qu'il s'y trouve un endroit qui est mubarak, un endroit où il y a une baraka. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, min hadith Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, biwadi al-aqiq, donc une plaine qui se trouve à cet endroit-là, qui s'appelle donc biwadi al-aqiq, yaqul atani al-layla atin min rabbi, c'est-à-dire que un ange est venu le voir durant cette nuit. Faqal, il lui a dit donc salli fi hadha al-wadi al-mubarak, c'est-à-dire prie dans cette plaine qui est mubarak. Donc il y a une prière ici à faire, mais cette prière-là, c'est une prière qui est par rapport au lieu, qui n'est pas par rapport à l'ihram, qui est par rapport donc par rapport au lieu et par rapport à la baraka qu'il y a dans ce lieu-là. Donc c'est une sunna de prier fi hadha al-wadi al-wadi al-aqiq, de prier donc rak'atayn lorsqu'on passe à Dhul Hulayfa, qui est donc miqat min ahli al-Medina, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite يقول ويستحب ويستحب ان يغتسل للاحرام ولو كانت نفسا او حائضا وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الاحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابه لكنه مشروع بحسب الحاجه وهكذا يشرع لمصلي الجمعه. Ici le shir nous dit qu'il est préférable pour la personne qu'il se lave, c'est-à-dire qu'il est préférable pour lui qu'il se lave au moment qu'il va se mettre en ihram, donc du fait qu'il va se nettoyer et ensuite il va se parfumer, de se mettre donc dans le meilleur des états physiquement pour qu'ensuite donc il rentre dans son état de sacralisation. Ça c'est préférable, mais ce n'est pas une obligation. Et ça ne fait pas partie des particularités de l'ihram. Il nous dit le shir, « وَهَذَا لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ » Donc la personne, si elle ne fait pas cela, si elle ne se lave pas au moment de se mettre en ihram. Et tout ce qui rentre, bien entendu, dans le lavage, comme par exemple se tailler les ongles, comme par exemple s'enlever les poils, etc. Tout ceci, donc, est mustahab et ce n'est pas une obligation. Et comme il nous dit le shir, personne, donc, parmi les sahaba, nous a rapporté cela, c'est-à-dire donc à titre d'obligation, ou alors que ça fait partie des spécificités de l'ihram. Mais il nous dit que c'est légiféré, le shir, bihasab al-haja, c'est-à-dire suivant donc l'état. Et c'est vrai que la personne, elle est principalement, elle est musafir, donc elle vient, elle voyage, en se mettant en état d'ihram, ou avant de se mettre en état d'ihram, il est bien pour elle qu'elle se nettoie, etc. Hadha min bab al-istihbab. De même, il nous dit le shir, comme la personne donc qui va prier la prière du Jumu'ah, ou alors la prière du Eid, et qui va se laver. C'est dans le même but. Bien entendu, ici, pour ce qui est du hukm, c'est différent. Pour ce qui est du Jumu'ah, beaucoup de personnes disent, ou beaucoup de savants, disent que c'est une obligation. Certains disent que c'est mustahab également. De même pour ce qui est donc Al-Eid. Et on avait vu le dernier cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était lavé. Mais lui, il s'était lavé de Al-Janaba. Il s'était lavé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Al-Janaba. Car il était resté un jour complet au Miqat Dhul Hulayfa. Et que durant la nuit, il a eu des rapports avec ses femmes. Et donc, ensuite, il s'était lavé. Irtasala min al-Janaba. Et donc, si la personne, qu'elles sont en état de Janaba, c'est-à-dire donc qu'elles sont en état d'impureté majeure. Ou alors, pour ce qui est de la femme, qu'elle soit en état Nufasa, c'est-à-dire qu'elle a les louchi, c'est-à-dire le sang qui coule après qu'elle a accouché. Ou alors qu'elle soit haïd. C'est là ses menstrues. Elle a ses louchi. Ou alors si l'homme, il est en état de impureté majeure, de même pour la femme, alors ils peuvent se mettre en état d'ihram. Ce n'est pas une obligation pour eux, donc, de se laver. Tayyib. C'est pour ça qu'il dit, le shir wa yustahab an yaghtasil al-ihram walau kanat nufasa aw haidan. C'est-à-dire donc, il est préférable, mais ce n'est pas donc une obligation. Et donc la personne, qu'on a cité, et qui sont dans ces états-là, ils se mettent en état d'ihram, qu'ils se sont lavés ou qu'ils ne se sont pas lavés. Et on sait dans la sunna, que Asma bint Umais, radiallahu ta'ala anha, كانت نفسا بولادة محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جمعين. C'est-à-dire donc, elle avait ses louchis et donc elle avait encore le sang qui sortait d'elle et qui était dû donc à l'accouchement de son fils Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq رضي الله تعالى عنهما جمعين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas obligé de se laver. Il a été préférable pour elle qu'elle se lave et qu'elle se mette en état d'ihram. هذا ليس من باب الواجب لكن من باب الاستحباب. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qui rentre dans le surérogatoire, comme le dit le shir wa yustahab an yaghtasila lil-ihram wa law kanat nufasa wa haidan. Ensuite, le shir yaqul wa yustahab an yuhrama fi thawban nadhifain fa in kana abyadain fa huma afdal. C'est-à-dire donc également ici yustahab, c'est-à-dire qu'il est préférable que la personne elle se met, lorsqu'elle se met en état d'ihram, qu'elle porte donc deux habits qui sont blancs. Un pour recouvrir le haut et l'autre pour recouvrir donc le bas. Donc le fait qu'il soit blanc, ala mustahab, ça ne rentre pas également dans l'obligation. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué que le meilleur des habits c'était le blanc, ou la meilleure des couleurs des habits c'était le blanc. C'est pour ça qu'il nous dit, kama jaa anhu sallallahu alayhi wa sallam, fima akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, khayru thiyabikum al-bayad fa albisuha ahya'akum. C'est-à-dire les meilleurs, le meilleur de vos habits, ce sont ceux qui sont blancs. Alors, habillez vos vivants, c'est-à-dire les gens qui sont vivants d'entre vous. Donc, habillez-vous en blanc. Et donc, prenez comme tissu de linceul ce qui est blanc et enroulez à l'intérieur, ou alors mettez à l'intérieur vos morts, c'est-à-dire un tissu de linceul qui va être de couleur blanc. Fahada wa al-afdal, c'est ce qu'il y a donc de meilleur. De même pour ce qui est de al-ihram, des habits donc de l'ihram. Wa yajuzu an yuhrima fi jami' ajnas al-thiyab al-mubahati min al-qutn wal-kattan wal-suf. Wa sunnatu an yuhrim fi izarin wa rida'in. Et de même, il dit le shir qu'il est permis qu'il se mette en état d'ihram dans l'ensemble des habits qui sont autorisés. Que donc ces habits soient faits de coton, qu'ils soient faits de tissu ou qu'ils soient faits de laine, tout cela est permis. Tout cela donc est permis. La personne elle peut s'habiller avec ses habits durant son état d'ihram ou ses sortes d'habits ou ses caractéristiques. Wa sunna, et la sunna est le mieux donc, c'est qu'il s'habille avec ce qu'on appelle izar, donc ce qui va couvrir son bas, un tissu donc qui va couvrir son bas et un tissu qui va couvrir donc le haut. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, min hadith ibn Umar, yaqul wal yuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lain. C'est-à-dire que l'un d'entre vous se mette en état d'ihram dans un izar, dans un rida, والنعلين, c'est-à-dire dans des sandales. On reviendra également sur ce qui est النعلين. سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. C'est-à-dire que ce izar, que ce rida, c'est-à-dire les tissus qu'on va mettre au-dessus de nous, que ce soit pour cacher le haut, pour cacher le bas, qu'il soit cousu ou qu'il ne soit pas cousu. Et on a bien vu donc que lorsqu'on parle, et ce qu'on dit les savants, lorsqu'ils ont parlé de al-makhit, al-makhit, on a bien vu, on a bien expliqué durant les premiers cours ce que ça voulait dire. On va y revenir dessus. Ce n'est pas ma'na ce qui est cousu. C'est-à-dire qu'un habit, une pièce en elle-même, une pièce de tissu, elle est cousue. Taïb, qu'elle soit cousue ou qu'elle soit pas cousue, c'est pareil. Ça rentre pas dans ce qui est interdit. Et dans ce qu'on appelait le fuqa al-makhit, ça rentre pas dedans. Et on va revenir encore dessus, inshallah. Donc, qu'il soit ces deux tissus que l'on va porter pour le haut ou pour le bas, qu'il soit donc cousu ou qu'il ne soit pas cousu, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on traduit et qu'on dit il est interdit de porter des habits qui sont cousus, c'est faux. C'est complètement faux. Lorsqu'on traduit donc le terme makhit, comme on l'avait expliqué auparavant, comment on va y revenir, inshallah ou ta'ala, le prochain cours. Donc il nous dit ça, bittifaq al-imma. Donc ça, c'est un accord de tous les savants sur ce point-là. Ils sont tous d'accord, les savants, sur ce point-là. Sur le fait donc que l'habit en lui-même il soit cousu ou qu'il ne soit pas cousu. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. C'est-à-dire donc que la personne, elle peut également se mettre en état d'ihram, donc dans ce qui est de l'izar ou rida, c'est le mieux. Al-izar ou rida, c'est le mieux donc, c'est la sunna du prophète sur salam. Ou alors elle se met en ihram dans une autre chose, tant que ce n'est pas interdit. Et il est permis pour lui donc qu'il s'habille dans le blanc, et ça c'est le préférable comme on l'a vu, mais il est permis également qu'il s'habille dans d'autres couleurs, que ce soit le vert, le noir ou autre couleur, ou alors que ce soit moulawan, qu'il porte donc différentes couleurs, le tissu qu'on porte, il n'y a aucune interdiction dans cela, et c'est permis, comme nous le rappelle ici le shir. On s'arrête ici, bi'idhnillah, wa nukmil al-usbu' al-muqbil, la semaine prochaine, inshallah, toujours à la même heure. La suite de l'explication de ce livre. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.